J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec l'air trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Yeah.